une histoire particulière. Chalet typique, d'une surface habitable d'environ 330 mètres carrés, ceinturé de deux grands balcons et d'un garage de 46 mètres carrés, composé de trois chambres, dont une suite parentale, deux salles de bain, une cheminée. Exposition plein sud et idéalement située sur la route des pistes, offrant une magnifique vue panoramique. Pour les vacances d'hiver, je réserve ? Ça vous ferait envie ? L'envie, un documentaire en deux parties, dont voici le premier épisode. Après la luxure, l'orgueil, l'avarice et la gourmandise égrenées depuis le mois de septembre, voici l'illustration du cinquième péché capital, étudié de près par Netma Boikra et Yvon Croisier. Le grand bornant de cette route absolument incroyable, qui va passer juste à côté du village, qui va aller vers le Bouchet. Vous connaissez cet endroit ? C'est une route en ligne droite qui part dans la vallée comme ça, et vous allez monter sur la gauche, et vous allez arriver à un endroit qui s'appelle le Col des Ânes. Le Col des Ânes, c'est un endroit d'immensité, où il y a très peu d'arbres. Ce sont des endroits qui sont restés terriblement sauvages. Puis alors après, effectivement, peut-être qu'il y a une partie qui est, où les sports d'hiver ont marqué un peu plus le territoire. Il y a des lotissements avec des chalets modernes, tout ça. Bon, c'est peut-être un peu plus caricatural, mais pour le reste, c'est un endroit immense, hein. C'est grand, le Grand Bornant. Comme son nom l'indique d'ailleurs. Ben, c'est un petit village qui est vraiment magnifique, aussi bien l'été que l'hiver. Et ben, aujourd'hui, vous trouvez vraiment, c'est super, quoi. Il y a la neige, donc on ne peut pas rêver mieux. La commune essaye de bien développer pas mal d'activités, aussi bien l'hiver que l'été, pour attirer un public de toute génération. Et c'est vrai qu'au niveau des chalets, ben, il y a des chalets anciens comme celui-là, quoi. Pas quel âge il peut avoir, mais qui sont très anciens. Et après, ben, y a des jeunes du pays et des estivants aussi qui construisent sur le Grand Bornant parce que ben ils veulent soit rester dans leur pays, dans leur petit village, ou soit ben, ils l'ont découvert et ils ont envie d'avoir un petit pied-à-terre ici. Il y a toutes sortes de couleurs, de dimensions, d'atmosphères, et il y a un moment qui s'appelle l'intersaison, on va dire, où effectivement il fait plutôt froid et gris, mais si on est en altitude, en réalité, c'est un immense spectacle. C'est-à-dire que la nature est extrêmement vive et ça reste toujours très impressionnant. Tout prend des proportions inouïes, quoi. Le Grand Bornant a une réputation macabre qui lui colle à la peau depuis 15 ans, non ? Oui, avec la catastrophe, c'est ça ? Oui, c'est vrai que... Ben voilà, il y a des fois la nature, on sait que quand elle a envie de reprendre ses droits, elle les reprend. Donc ben, cette année-là, en 87, elle a décidé d'être pas gentille avec le Grand Bornant. C'est vrai que ça... Qu'est-ce qui s'est passé en 87 ? Ben, y a eu des gros orages et après ça a débordé dans le village. Et voilà, il y a eu des gros dégâts, il y a des gens qui ont perdu la vie. Et voilà, ça c'est ce qu'on souhaite à personne. Vous, l'affaire Flactif, vous en souvenez pas, c'était il y a 15 ans. Si, l'affaire Flactif, on s'en souvient aussi. C'est vrai que ça a été pareil, ça n'a pas été quelque chose de facile à vivre pour tous les Bornandins, parce que c'est une famille complète, le couple avec ses trois enfants qui ont disparu. On ne savait pas où ils étaient, après on les a retrouvés. Il y a eu des enquêtes difficiles sur le Grand Bornant, tout le monde était interviewé, tout le monde se regardait. Et voilà, et après on a su que toute la famille était décédée, et pareil, c'est des choses qu'on souhaite à personne. L'affaire Flactif. Premier épisode. Des chalets, en veux-tu, en voilà. Nejma Boikra, Yvon Croisier. La montagne, c'est un endroit de lenteur. Tout est régi par la pente. On ne peut pas aller plus vite que sa propre force physique. Et c'est intéressant à observer. Les gens qui marchent vraiment, je veux dire les paysans, les gens qui vont en alpage, tout ça marche très lentement. C'est un monde de lenteur. Les choses se font lentement, lentement. Et dans ces vallées, il y a une sorte d'ultra-rapidité. Tout d'un coup, tout s'est bâti et puis c'est... Ces stations de sport d'hiver, toute cette mécanique et donc au service, encore une fois, de la rapidité, du rythme. Le ski, c'est particulier. C'est un sport qui a eu un essor incroyable dans ces années-là. C'est le sport moderne, par définition. Philippe Paulet-Villard, auteur. La grande différence d'une vallée à l'autre, c'est, l'immobilier, qui a pris un essor à un moment tout à fait fulgurant et qui a, dans beaucoup de cas, complètement dévasté certains endroits. Pas forcément, d'ailleurs, le Grand Bornand. Le Grand Bornand, je crois, est une vallée qui est plutôt préservée. Si on compare à la Clusaz, par exemple, là, c'était comme un champignon. Ça a poussé sur très peu de temps. Et c'est le cas de énormément de stations. Les pires étant ces stations qui se sont construites de A à Z, hein, Tignes, des endroits comme ça, où, qui sont sortis de terre, littéralement. Je pense que dans l'affaire Flactif, ce sont pas tant des gens de l'endroit que des gens qui sont arrivés avec un grand rêve de faire quelque chose ici. Ils sont arrivés avec un rêve fulgurant de participer à ce truc, à cet engouement, de faire partie de ce paysage, de ce monde touristique, tout ça. Mais je crois que c'est plutôt ça l'histoire des Flactifs, non ? Alors, tout de suite, ce qui interpelle les gens, c'est leur train de vie, c'est leur manière ostentatoire de montrer qu'ils ont de l'argent. Patrick Alain Bertoni, journaliste. Je ne dis pas qu'ils en avaient, mais en tout cas de le montrer. Donc ici, les gens ne sont pas très habitués. Vous savez, en Savoie, c'est un pays quand même à l'origine de montagnards. Je ne dis pas qu'ils sont renfermés sur eux-mêmes, mais en tout cas, ils ne manifestent guère leur signe extérieur de richesse, pour autant qu'ils en aient. Ils me font penser, toute proportion gardée, à ces grands bourgeois lyonnais qui vivent derrière leur mur, et où il est particulièrement malsain de montrer qu'on en a sous le pied, quoi, comme on dit ici. Donc, les flaques par contraste, sont effectivement apparus très vite comme des gens un peu étranges et chez certains montagnards dans cette région du Grand Bornand, ce massif des Bornes, effectivement suscitant de la méfiance, de la curiosité, mais très vite de la méfiance. Quoi. D'où tient-il cet argent? D'où provient-il? Que vient-il faire ici? Certains promoteurs immobiliers l'accusent même de casser le marché, de casser les prix du marché à la hausse. Donc ça ne plaît pas trop aux gens d'ici, si vous voulez, à la fois, non pas d'en avoir beaucoup, parce que certains en avaient sans doute plus que lui, en revanche, c'est de le montrer, de s'en revendiquer, et puis de rouler carrosse, de rouler grosse voiture, de rouler vite, d'une manière ostentatoire, quoi. Ça, ce n'est pas du tout le caractère des gens d'ici. Voilà, c'était une famille qui était là depuis quelques années, donc on les connaissait physiquement, on avait discuté quelques fois avec eux, et voilà, c'était des gens comme tout le monde. Je veux dire, c'est vrai que c'était des gens qui étaient arrivés sur Grand Bornand, qui avaient construit leur chalet, qui n'étaient pas natifs pure souche du Grand Bornand, mais je veux dire, c'était des gens qui avaient droit d'être au Grand Bornand comme tout le monde. C'était aussi la promotion immobilière, c'était aussi l'époque de l'or blanc. C'est pour ça aussi qu'on venait construire, non, au Grand Bornand? Oui, tout à fait. Je pense que M. Flactif avait des ambitions dans les arts à vie. Je sais qu'il avait des projets immobiliers. Après, je veux dire, comme tout le monde, on a le droit d'avoir des projets et d'avoir des rêves qu'on a envie qu'ils se réalisent. Alors que ce soit des gens venus du Nord, ça n'a pas vraiment marqué l'opinion, parce qu'ici on est habitué depuis que le Nord est sinistré économiquement, à la fois au niveau des chantiers navals, des mines, à recevoir des gens du Nord, des ch'tis comme ils s'appellent eux-mêmes. Donc c'est des gens qui arrivent ici en Savoie, surtout en Savoie du Nord, ce qu'on appelle le département de la Haute-Savoie, parce qu'il y a encore du travail, notamment dans le décolletage, c'est-à-dire la transformation des métaux, auparavant l'horlogerie, avant même d'ailleurs que le ski et les sports d'hiver en fassent lui apporte un supplément de richesse. Mais ces gens du Nord, ils sont attirés par l'or blanc. Ils viennent en espérant peut-être trouver ici un Eldorado, la richesse. Alors, la victime, Xavier Flactif, c'est évident, puisqu'il faisait déjà dans la promotion immobilière dans le Pas-de-Calais. Il est venu ici, effectivement, pour faire dans de la promotion un petit peu plus haut de gamme, notamment dans des chalets, et surtout dans ce projet qui ne verra jamais le jour au col de la Croix-Frie, sur la commune de Manigaud, c'est-à-dire près de la Clusaz, où il y avait 150 logements de mémoire, 1000 mètres carrés de commerce. Des panneaux de promotion avaient déjà été posés. Xavier Flactif avait même ouvert un chalet de vente, hein. Dans un premier temps, les élus qui cherchent toujours à fixer les gens de la montagne ont été enthousiastes. Et puis, dans un deuxième temps, parce que les garanties financières étaient insuffisantes, ils ont commencé à se méfier. Donc, tout est tombé à l'eau. Et la direction départementale de l'équipement, son service juridique, avait même saisi le parquet d'Annecy. Mais comment peut-il monter ce genre de projet, Monsieur Flactif ? Monsieur Flactif, c'est un beau parleur, ce qui pour les gens d'ici est déjà un grand défaut. Mais d'un autre côté, si vous voulez, les gens d'ici ne sont pas non plus des saints. Quand il est arrivé avec les poches cousues d'or, eux-mêmes se sont, en tout cas certains d'entre eux, se sont laissés séduire parce que bon, il vaut toujours mieux vendre un terrain une fois et demie, voire deux fois le prix qui était proposé auparavant, plutôt que de ne pas le vendre. Mais ces appuis se sont très vite dérobés. Moi, je connais des artisans qui, dans la construction de ces chalets au Grand Bornand, au Chinaillon, refusaient catégoriquement de travailler pour lui parce qu'ils étaient payés avec retard, voire pas du tout. Donc, très vite, son étoile a pâli. En fait, une partie des gens l'adoraient et puis une partie des gens qui d'abord s'en méfiaient l'ont ensuite détesté. Je pense que le Grand Bornand a quand même un certain charme, mais je pense qu'on tombe très très vite amoureux du Grand Bornand. Donc c'est vrai qu'après le rêve, c'est qu'on aime bien voir un pied-à-terre pour venir aussi bien l'été que l'automne quand il y a moins de monde, que l'hiver pour faire plein d'activités sportives. Quand vous regardez bien, aucun chalet est identique. Quoi. Ils ont tous leurs petits caches particuliers, aussi bien au niveau des façades, que des balcons, chacun peut quand même créer son propre chalet. Et ça, c'est chouette. Et vous savez où se trouve ce chalet, le chalet de Laurencière ? Oui, le chalet de Monsieur Flactif, oui, il est sur la route quand on monte au Chinaillon. C'est un gros chalet et il y a des habitations à côté, on peut y accéder en voiture. Non, c'est un beau chalet. Moi, j'y suis rentrée une fois, je veux dire, voilà, c'était un chalet qui était bien agencé, qui était très joli, on se sentait bien. Là, moi, je suis juste rentrée une fois et voilà, c'était un beau chalet. Philippe Paulet-Villard. Oui, les chalets, donc, les chalets, ce sont des maisons tout à fait étonnantes parce que ce sont des maisons qui ont été construites en fonction d'un territoire, en fonction d'une difficulté. Qui est celle de la pente, encore une fois, des intempéries. Quand on se promène dans ces chalets, on retrouve des pièces de bois très anciennes. Il y a quelque chose de très archaïque, d'un peu mystérieux même parfois. Hein. Ce sont des maisons qui sont terriblement bien conçues pour cette vie, encore une fois, qui repose sur l'économie, sur le froid, et qui sont encore debout. Depuis des siècles, on trouve des baraques. Bon, moi, je suis toujours très impressionné quand on arrive dans les maisons par les graphismes qui sont au-dessus des portes. Il y a beaucoup de graphismes superstitieux, de protection, de choses comme ça. Ce sont des maisons. Pour moi, ce sont des temples. Hein, ce sont des sortes de mausolées. Quelque chose d'un peu religieux pour moi hein, dans ces édifices. Vous comprenez pourquoi justement des gens qui n'auraient pas ce lien si intime au chalet désirent le chalet comme la cabane au fond des bois. Ils sentent ce magnétisme du chalet. Voilà, je vais être très net avec vous. Je vous parle des chalets anciens, mais je pense que les gens dont vous me parlez, ce n'est pas ça dont ils rêvent. 12 avril 2003. Un appel à témoins vient d'être lancé par les gendarmes de Haute-Savoie pour tenter de retrouver un couple et ses trois enfants âgés de 7 à 11 ans. Cela fait plus d'une semaine maintenant que la famille installée au Grand Bornand n'a plus donné signe de vie. Les recherches en hélicoptère ou grâce à des équipes de plongeurs n'ont rien donné. Alors départ volontaire ou non, les enquêteurs n'écartent pour l'instant aucune hypothèse et se penchent sur la profession du père. Denis Robert Charrero est procureur de la République Annecy. Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que c'est une famille qui disparaît. Un couple, lui a 40 ans, trois enfants âgés de 10, 9 et 7 ans. On a des disparitions régulièrement, mais d'une personne seule. De 5 à la fois, c'est tout à fait exceptionnel. Ce monsieur était promoteur immobilier. Son métier était de construire des chalets et ensuite de les revendre. Il habitait un des chalets qui avait été construit récemment. Le chalet savoyard est une maison qui est toute en économie. C'est de l'économie. Ce sont des pièces minuscules, des toutes petites fenêtres pour pas que le froid rentre. Ce sont des maisons assez obscures. Et les gens dont vous me parlez, on va dire l'essor de l'immobilier moderne, c'est un désir d'autre chose. C'est la maison californienne. C'est de désordre mental où on dit on veut être à la fois à la montagne, mais on veut avoir une baie vitrée, puis regarder la montagne comme sur un grand écran de télé, enfin. Et le confort, les jacuzzis, je sais pas quoi, enfin, toutes sortes de conneries. Je pense que les maisons, les authentiques maisons savoyardes, quand vous rentrez dans une maison savoyarde, c'est une drôle d'impression. Hein. C'est un monde, encore une fois, religieux, je ne peux pas mieux dire. Voilà, c'est très respectueux du temps qui passe, de l'autre, de la valeur des choses et du temps investi dans quelque chose. Ces maisons demandaient beaucoup de patience. Aujourd'hui, on construit, je crois, pour l'avoir vu, un chalet de façon extrêmement rapide. 21 avril 2003. Rapide. On est toujours sans nouvelles ce soir, 9 jours plus tard, de cette famille du Grand Bornand, Haute-Savoie, mystérieusement disparue depuis le 12 avril. Les techniciens de la gendarmerie font état de quelques traces relevées ce week-end dans le chalet de la famille. Il s'agirait d'infimes traces de sang, selon le procureur de la République d'Annecy, Robert-Denis Charrero, interrogé par Véronique Saviuc de France Bleu Pays de Savoie. C'est un chalet d'une superficie très importante. On a l'impression que ce chalet était habité et que les gens viennent de partir. On trouve le frigidaire qui est plein, des marmites où la cuisine a été prête pour le repas qui doit suivre. Ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes de l'IRCGN ont pu, semble-t-il, constater des taches qui pourraient être suspectes, notamment sur le sol. Alors ces taches, il pourrait s'agir éventuellement de taches de sang. Il est aujourd'hui impossible de dire s'il s'agit effectivement de taches de sang, et s'il s'agit de taches de sang, si c'est du sang humain ou du sang animal, par exemple. Pour l'instant, je dirais qu'il s'agit de traces suspectes, de traces brunes, de petite dimension. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de gens vivent à la fois de l'agriculture, de l'élevage et des stations. L'hiver, ils vont travailler en station, ils vont s'occuper de remontée mécanique ou de dameuse, et puis l'été, ils sont dans les alpages, tout ça, ça continue. Ou des gens qui ont, par exemple, transformé une maison, un chalet, en restaurant sur les pistes. Mais pour certains, ce sont des gens qui sont restés réellement des paysans. Alors après, il y a peut-être, si c'est ça le sujet, il y a peut-être une troisième famille, des gens qui ont peut-être complètement investi entièrement dans les sports d'hiver et qui ne sont plus que au service de ce sport. Ça, c'est possible aussi. Ou de l'immobilier, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que ça a changé, justement, le fait que tout d'un coup, sa terre devienne de l'or, que tout d'un coup, ce soit un Eldorado, que le mètre carré se vende plus cher qu'à Nice? Eh bien, ça crée ce que crée l'argent partout, c'est-à-dire, ça change un peu les mentalités. La mentalité paysanne est une mentalité qui est une mentalité de survie hein, dans ces coins-là. L'argent est un sujet quand même assez tabou. Ben, ils ont perdu en quiétude pour certains, ça c'est sûr, hein, c'est certain. L'enquête se poursuit dans le chalet de la famille Flactif, au Grand Bornand, cette famille disparue depuis 10 jours maintenant. Une enquête qui privilégie aujourd'hui la thèse criminelle. Les enquêteurs ont non seulement découvert des traces de sang effacées, mais également un certain nombre d'indices troublants, Jacques Prévost. Ce soir, les enquêteurs n'écartent aucune piste, aussi continuent-ils de fouiller la maison du couple, mais aussi le passé de cette famille disparue. La maison, on le sait, a livré plusieurs indices importants, du sang sur le sol, une dent retrouvée, et puis une douille. Tous ces éléments sont aujourd'hui analysés, on en connaîtra les résultats en fin de semaine, dit-on. Mais pour l'instant, tout est pris en compte, fuite déguisée de la famille, actes crapuleux ou même dérives sectaires, tout est imaginé. Ce qui n'est pas imaginé en revanche, c'est l'histoire professionnelle du chef de famille. Et là-dessus, les enquêteurs se montrent très discrets, preuve qu'ils considèrent cette piste-là comme capitale. Il y a, dans le passé de ce promoteur immobilier, quelques actes de justice, des incendies curieux, des bruits constants et pas mal de menaces. Enfin, il y a aussi cette riche propriété du nord de la France avec piscine couverte. Le couple l'avait quitté depuis plusieurs années. Personne ne les avait revus depuis, sauf ces dernières semaines où l'homme d'affaires était réapparu à 2 reprises. Pourquoi ? Autre question. Il faut savoir que M. Flactif est un homme... Maître Georges Rimondi, avocat. haut en couleur. C'est un homme d'une corpulence importante, d'une personnalité marquante. C'est quelqu'un de décidé, c'est quelqu'un qui est dans la promotion immobilière et c'est quelqu'un qui, effectivement, est un entrepreneur au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se lance dans des constructions, etc. Donc ça veut dire qu'il a un profil qui est un profil de décideur. Et il est parti de la région du Nord parce que on lui aurait reproché quelques petites filouteries qui auraient quand même indisposé un certain nombre de ses clients, puisqu'il apparaît qu'il avait des pratiques un peu filoutes quand même, qui consistaient à proposer le rachat de dettes et puis d'engager les gens à acheter de l'immobilier pour pouvoir après le louer et puis en vivre. Et puis les appartements n'étaient pas nécessairement peut-être livrés comme les clients les attendaient. Ce qui fait que quand il est arrivé ici, bah, il était un peu précédé de cette réputation de filou. Ah, mais c'est quelqu'un qui peut... Oui, qui est affable, qui est convivial, qui réagit bien, qui a le sourire, qui est bon vendeur, je dirais, c'est ce que j'ai dit souvent. C'est un bon commercial, voilà, c'est un bon commercial. Si vous le côtoyez que quelque temps, vous lui faites confiance. Si comme nous, on le côtoie un peu plus longtemps, on s'interroge au fur et à mesure qu'on avance. Patrick Alain Bertoni. C'est un promoteur un peu curieux, dirons-nous. Escroc, c'est effectivement ce que des gens qui lui avaient fait confiance penseront, puisqu'ils créeront l'association DAG, Défense Association des gens usurpés et escroqués, et qu'ils entameront une procédure devant le tribunal de grande instance d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Cette procédure, est-ce qu'elle a lieu ? Cette procédure n'a pas lieu à quelques heures près, tout simplement parce que le vendredi précédent, Xavier Flactif, son épouse Graziella née Ortolano et leurs trois enfants, Grégory, Laetitia et Sarah, disparaissent par claquement de doigts de l'habitation qu'ils occupent justement dans la station du Chinaillon au Grand Bornand. Quand les gens ne comprennent pas ce qui se passe, on leur prête des appartenances à des sectes, à quelques loges franc-maçonnes qui les auraient aidés à s'exfiltrer pour échapper à la colère des gens du pays et à la justice. Colère de gens du pays, des artisans, non, sont très en colère contre M. Flactif. Effectivement, des artisans, dont un duo de peintres en bâtiment, qui un soir ont une explication quelque peu musclée avec Xavier Flactif, jusqu'à aller chez lui et à finir par lui mettre la tête dans le four de cuisine pour se faire payer. Donc, dans un premier temps, tout le monde pense que soit Xavier Flactif s'est sauvé, soit qu'il a été tué par des créanciers. Alors, on a dit beaucoup de choses, on a dit qu'on avait trouvé... Le vif du sujet, France Culture, printemps 2003. Une trace de sang, et puis 3, et puis 6, et puis une dent, et puis une douille, et puis enfin, plein de choses. Moi, si on vient chez moi et qu'on fait des études d'ADN sur mon carrelage, ça va être assez comique. Je pense que on va trouver de l'ADN de souris, parce que j'ai des chats qui ramènent des souris à la maison. On va trouver mon ADN parce que je me suis coupé le pied. On va trouver plein de choses. Il y a des choses bizarres, mais... Je pense pas qu'on doive s'attarder à ça, en tout cas pour l'instant. Je vous l'ai dit, la méfiance des gens de montagne par rapport à des gens qui arrivent et qui flambent, et qui ne sont pas des touristes, qui s'installent. Que les touristes flambent, après tout, tant mieux, ça permet de garnir les caisses. Hein. Vous savez, comme on dit, en Savoie, on jette l'argent par les fenêtres, mais du dehors vers le dedans. Donc, si Xavier Flactif n'avait fait qu'être touriste, effectivement, ça n'aurait pas déplu. Mais en plus, il fait des affaires, en plus, il tarde à payer. Mais bon, ce qui gêne un peu quand même, y compris les gens du pays, et moi j'ai discuté avec l'un d'eux, qui était un artisan électricien ayant refusé de travailler pour Xavier Flactif, il m'avait dit, écoute, les gens d'ici, je les connais, peut-être aurait-il tué Xavier Flactif, peut-être aussi aurait-il tué Graziella dans un instant d'exaspération, mais jamais, au grand jamais, il ne s'en serait pris aux enfants. Donc, si vous voulez, très vite, on se dit que dans un accès de colère, on peut toujours imaginer le pire, mais que les gens d'ici, pour une dette artisanale, ils n'auraient quand même pas exterminé l'ensemble de la famille. Comment on peut quitter un territoire, un couple et trois jeunes enfants ? Comment on peut aussi s'investir dans le milieu financier sans être inquiété outre mesure ? Comment est-ce qu'on peut monter des arnaques financières sans jamais vraiment être inquiété. Le vif du sujet, printemps 2003. Je pense que Xavier Flactif avait quand même pas mal d'amis qui ont très bien pu l'aider à prendre la fuite, ou en tous les cas à organiser sa fuite. Je pense que ce monsieur brassait beaucoup d'argent et je pense qu'effectivement on l'a aidé. Ce type était vraiment un débrouillard de première et un embobineur de première. Et je me dis qu'il n'a pas pu disparaître comme ça, il n'a pas pu se faire découper en petits morceaux. Il ne peut pas se retrouver au fond d'un ravin. Je pense plutôt au magouilleur, à la personne qui a anticipé son départ en retraite. Il le disait d'ailleurs lui-même, hein. Il l'avait dit à plusieurs personnes, je ne sais pas si vous l'avez entendu là-bas. Il a dit à plusieurs reprises, je fais un gros coup et je m'en vais au soleil. 17 septembre 2003, rebondissement dans l'affaire Flactif. 5 mois après la disparition de la famille Flactif, la thèse de l'assassinat est donc confirmée. 4 suspects ont été déférés au parquet aujourd'hui à Annecy, en Haute-Savoie. Ce sont 2 couples dont l'un habite au Grand Bornand, le chalet voisin du promoteur disparu. C'est l'ADN retrouvé dans le chalet des Flactifs qui a parlé. L'un de ses voisins, David Otia, est passé aux aveux. Il a conduit les enquêteurs jusqu'à une forêt de 15 km du Grand Bornand. Là, les policiers ont exhumé des débris d'ossements qui doivent être encore analysés. Et le procureur l'a confirmé tout à l'heure, il y a eu préméditation dans ce meurtre. Donc après... finir avec cette histoire. Voilà, après, c'est ça, la question, c'est... Philippe Paulet-Villard. Des gens viennent à un endroit, ils veulent quelque chose, ils le veulent apparemment très fortement, d'autres les jalousent. Donc on est dans un désir de possession effréné, et qui va jusqu'à ce que quelqu'un puisse tuer quelqu'un d'autre. Mais tuer quelqu'un d'autre, on ne s'improvise pas assassin. Enfin, je veux dire, on a cette énergie-là quand même, on arrive... Et je crois qu'il y avait la possession d'une arme, il me semble. Hein, Donc on est dans un monde violent. Comment ça a marqué les gens du coin ? Comment ça a marqué les gens du coin ? Eh bien, il y a un point d'interrogation monumental. C'est qui a fait ça ? Qui sont là ? Là, il y a un fantasme. Il y a plein d'histoires qui commencent à se raconter, mais parce que voilà, c'est naturel. Quand il y a un manque, les gens fantasment, racontent des trucs, mais... Mais ils ont raison de fantasmer d'ailleurs, parce qu'il est question d'argent, et donc l'argent génère parfois des comportements extrêmes. Voilà, des gens arrivent avec une énergie particulière, on va dire qui est celle de la rapidité, de l'argent, de la volonté de posséder fort et rapidement et puissamment, et puis finalement ça crée une sorte de fait divers brutal, brûlant, tapageur, et puis le silence revient, je veux dire, après ça, parce que voilà. C'était la première partie de l'affaire Flactif, avec Maître Georges Rimondi, avocat, Philippe Paulet-Villard, auteur, Patrick Alain Bertoni, journaliste, et des extraits du vif du sujet, La vie en suspens au Grand Bornand, émission diffusée en 2003 sur France Culture. L'envie, un documentaire de Nejma Bouakra et Yvon Croisier.